façon payer ses habitants. Fatigué de voir couler du sang innocent, j'ai pris une feuille et un stylo pour attaquer les corrompus et les fachos qui détournent les finances de l'État. Je crache la rage que j'ai en moi quand je vois qu'ils rapatrient les frères comme un convoi. Délinquant, animal, plat, comme c'est qu'on nous voit. Vos insultes vous seront dommageables car la détermination qui ont les miens va envahir l'oppression qui ont les tiens envers les miens. Notre chance, si on l'aperçoit, on la tient. Jette un coup d'œil dans l'arène, y'a que des crèves la faim. Prêt à t'enlever ton or à l'heure, ne joue pas les parrains. Si tu veux pas qu'on jette dehors, ici une descendance des Comores. Indépendant, fin d'état pour aussi pas les nerfs à mort. En état parce que ma vie c'est un règlement de compte. Pour aussi j'arrive plus en constate que je rejoins des forts. Venu remettre tout le monde d'accord. Si le rap c'est du sport, je pratique le hardcore. Je suis violent comme Fedor, je tire la bombe en rap. Comme mon rap tue Fada, le tien est Rapta. Fin d'état pour aussi homme révolté contre l'état comme Mandela. Ma vie c'est un règlement de compte. Parce que je peux pas accepter de l'irrespect en mon encontre. J'arrive pas à encaisser la trahison des frères. Ça m'a blessé que tu aies mis ta veste à l'envers. Écoute, je viens ajouter une goutte plus impressionnante que les ruelles de Beyrouth. Je rentre dans le rap intrigant. La concurrence va me voir monter en grade. Plus j'avance, plus mes ennemis en bavent. Instable et des fois chalant. Cherche l'action et la confrontation pour sentir ma présence. Je suis sorti du ventre de la haine. Dans le game je viens, je dégaine. Une rafale de virilité, à croire que ma vie se joue sur une partie de Rami. Je vois Sarkozy décédé, l'état d'un viseur de la RI. Chasseur des grosses thunes, je nique mes études. Face au problème, jamais je ne recule. En état parce que ma vie c'est un règlement de compte. Pour aussi j'arrive plus en constate que je rejoins des forts. Venu remettre tout le monde d'accord. Si le rap c'est du sport, je pratique le hardcore. Je suis violent comme Fedor, je tire la bombe en rap. Comme mon rap tue Fada, le tien est Rapta. En état pour aussi homme révolté contre l'état comme Mandela. Rap tu Fada. Mon rap c'est de la 09, mon authenticité en est la preuve. Jette-moi ton œil, je le creuve. Je veux avancer, encaisser. Demande à Iliès comment ai-je commencé. Aucune envie de régresser. Prête le boss, je vais bosser. Rude pour amasser, brasser. La porte de la réussite est fermée. Je mets un coup de tête comme Boli. Pour aller au charbon, j'ai enfilé mon treillis. Eh frérot, si je suis hardcore, c'est pas un scénario. Je me présente seul en solitaire, accompagné de ma haine. Je réside la Castellane, viens, je t'emmène. Dans ma demeure, je démarre au quart de tour. Je squatte le haut de la cour. Je suis un peu comme mes screens, j'ai l'instinct mort. J'aime pas la police, à pas s'écondé. Dans ma façon d'être, je fais revivre Kunta Kinte. Mes ennemis, je viens les contrer. J'ai visé haut comme Prêt d'Athènes. En état parce que ma vie, c'est un règlement de compte. Pour aussi, j'arrive plus en compte.